Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Serge en votre compagnie pendant 60 minutes sur Fadjet dans Coup de cœur, bien sûr. Un numéro qui frôle les 130, je ne sais plus exactement, mais ça fait déjà un bon nombre de rendez-vous qu'on s'est fixés ensemble. J'espère que vous allez bien. Ah, un avion qui passe au-dessus, je pense que la fenêtre étant ouverte, vous l'avez peut-être entendu. C'est pas grave, l'important c'est de se retrouver pour ce rendez-vous Nolwenn la Magresse, dite bien sûr Nolwenn le Roi. Elle est auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste et actrice française, beaucoup de cordes à son arc. Elle est d'origine bretonne, elle est née en 82 à Saint-Renan, dans le Finistère. Alors de formation classique, violon et chant lyrique, elle remporte la deuxième saison de Star Academy en décembre 2002. Et depuis, elle a publié 8 albums studio, 2 albums live également. Et outre la Belgique et la Suisse, elle s'est également exportée et classée en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud. Alors je vous propose de la retrouver tout de suite dans un premier titre, extrait de son dernier album justement, ça s'appelle Loin. Et puis une autre candidate qui a fait des merveilles à la Starac, c'est bien sûr Jennifer. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Ce qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Je reste tant que l'on me supporte. Ou je reprends seul le chemin. Sans toi, j'irai bien. Au soleil, m'exposer un peu plus. Au soleil, quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, échauffer son corps. Au soleil, m'exposer un peu plus. Au soleil, quand le cœur. Le lien entre ces deux artistes, c'était Jennifer. Et puis notre coup de cœur du jour, Nolwenn Leroy, c'est bien sûr la Star Academy, et est présentée à chaque fois par Nikos Aliagas. Fille de l'ancien footballeur professionnel Jean-Luc Lemagresse et de Muriel Leroy. Elle vit ses premières années entre la Bretagne, notamment Kersimple-Abennec et Guingamp, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais, au gré des déménagements familiaux. À l'âge de 11 ans, après le divorce de ses parents, elle part vivre avec sa mère et sa sœur Kay, K-A-Y, hein, ça s'écrit comme ça, à Saint-Yor dans l'Allier. Elle suit alors sa scolarité à Vichy et apprend le violon, le solfège et chante en chorale. Elle joue également du piano et de la harpe. À 13 ans, elle remporte le concours Les Écoles du Désert et part en mission humanitaire au Mali pendant 10 jours entre Gao et Tombouctou. En juillet 98, elle part un an à Hamilton dans l'Ohio grâce au programme d'échanges internationaux, ce qui lui permet de parler couramment l'anglais. À son retour, elle décide de suivre des cours de chant lyrique au conservatoire de Vichy afin de se perfectionner. Et en 2001, elle s'inscrit à l'école de droit de Clermont-Ferrand, en droit anglo-américain exactement, pensant se destiner à une carrière diplomatique à l'ONU ou au sein d'une ONG, au cas où elle n'arriverait pas à devenir chanteuse. Prévoyante la gamine. Visionnant l'émission télévisée Star Academy, elle est fascinée par la professeure de chant Armande Altaï et décide de s'inscrire dans sa classe. Pendant plus de 6 mois, elle suit ses cours de chant à Paris. Elle est ensuite sélectionnée pour participer à la 2e saison de Star Academy. Mais elle est également pressentie pour interpréter le rôle de Scarlett O'Hara dans la comédie musicale Autant en emporte le vent de Gérard Prescurvic. Elle choisit finalement la Starac, qu'elle remportera en décembre 2002 face à Houssine, devant plus de 11 500 000 téléspectateurs. Cette expérience, bien sûr, est à l'occasion pour elle de réaliser des duos avec les plus célèbres. Luz Casal, Lionel Richie, Laurent Voulzy, Rock Voisine, Garou, Lara Fabian, Isabelle Boulay, Laura Pausini, Umberto Tozzi, etc., etc. Et le 4 mars 2003 paraît son premier album qui s'appelle tout simplement Nolwenn, auquel participent entre autres Pascal Obispo, Lara Fabian, Laurent Voulzy, Lionel Florence et Daniel Lavoie. L'album se classe numéro 1 à sa sortie et se vend à plus de 600 000 exemplaires. En 2004, elle décroche le Energy Music Awards de la révélation francophone et entame une tournée en France, en Belgique et en Suisse. On écoute Cassé, extrait de cet album, et on a parlé de lui il y a quelques secondes. Daniel Lavoie, il s'aime. Je ne t'ai pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. Depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés, et après m'avoir dit en face les 4 ou 5 vérités, l'amour ça passe ou ça casse, mais comme c'est déjà. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Daniel Lavoie, un des piliers bien sûr de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. On revient à notre coup de cœur du jour, Nolwenn Leroy, son deuxième album Histoire Naturelle, réalisé par Laurent Voulzy et Franck Ullery, est sorti en décembre 2005. Le premier extrait, Nolwenn Leroy, co-signé par Alain Souchon, Laurent Voulzy et Nolwenn elle-même, entre directement numéro 1 des ventes. Pour la première fois, elle signe la moitié des textes de l'album, dont les singles Histoire Naturelle et Mon Ange. Elle s'installe dans un univers entre métaphysique, ésotérisme et rêverie. Elle reçoit un disque de platine pour plus de 400 000 copies vendues. En 2006, Nolwenn apparaît sur l'album live de son ami Grégory Lemarchal, qu'il a invité à chanter le titre « Même si » en duo à l'Olympia. Elle participe également au conte musical celtique « Le secret du vieux coquillage blanc » aux côtés de Triane. C'est l'occasion ou jamais d'écouter Grégory Lemarchal dans un de ses plus grands titres, un de ses plus grands tubes, « Écrit l'histoire » bien sûr. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse, m'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Dis-moi, tu me préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. C'est en décembre 2009 que sort le troisième album de Nolwenn, Le Cheshire Cat et moi. Un album pop-folk construit autour de la harpe, dont elle a supervisé la réalisation avec le chanteur féroïen Tétur. Pour information, les îles Féroé sont l'un des trois pays constitutifs du royaume du Danemark, avec le Danemark propre et le Groenland. Son quatrième album, Bretonne, paraît en décembre 2010, juste un an après, comprenant des titres évoquant la Bretagne, chantés en breton, français, anglais et gaélique irlandais. L'album connaît un immense succès en France, deuxième meilleure vente de l'année 2011, double disque de diamant pour plus d'1 million de ventes, ainsi qu'en Belgique. Et il sera réédité, pour info, avec 7 nouveaux titres, dont le single Moonlight Shadow. Une tournée de plus de 100 dates démarre en juin 2011, passant notamment par la Bretagne, les grands festivals d'été, dont le festival de Cornouailles, la fête de l'Huma, le festival de Ramatuelle, les Francopholies de La Rochelle, de Spa, les théâtres et Zénith, dont le Zénith de Paris bien sûr. Cette tournée, elle s'étend jusqu'en Belgique, Suisse, Allemagne et se termine en décembre 2012 par 3 dates à l'Olympia, quelque chose d'important pour la jeune chanteuse. On va l'écouter dans Trimatelot. Et puis, bien sûr, si on parle de Bretagne, on peut parler facilement de Triane, la jument de Michaud. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Venez d'un village, trimartelot, yo wonk, tra la la la la la la, trimartelot, yo wonk, venez d'un village, venez d'un village gay, venez d'un village, yo venez d'un village gay, venez d'un village, gonna be cassé, tra la la la la la la, gonna be Fadjet, le festival de toutes les musiques. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. De Michaud a passé dans le pré, la jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud elle s'en repentira. Ah, l'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud elle s'en repentira. We'll be right back. Respirez bien fort, ça sent l'iode. Ça sent l'iode de mer, bien sûr. Et ça, c'est un pouvoir magique des chansons. En 2011, on continue à survoler la carrière de Nolwenn Leroy. Et c'est Laurence Voulzy qui lui fait appel pour poser sa voix sur les chœurs du titre En regardant vers le pays de France pour son album Lis and Love. En marge du Breton Tour en 2012, Nolwenn est invitée à l'Olympia pour chanter avec le groupe irlandais The Chieftains. Elle chante également en duo avec Alan Stivell pour son concert anniversaire, 40e anniversaire à l'Olympia en 2012. On va écouter Laurent Voulzy en regardant vers le pays. Vous reconnaîtrez la voix de Nolwenn également. Et puis Alan Stivell. Alors, je ne vous prononce pas le titre. On verra après, on va essayer de bien écouter comment il s'en sort lui en le chantant. Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Brûlés et en or. votre arbitre du Spundkreis a Brezel und Tadu kemat as quias eviti. Alors le titre, je vous le livre quand même, Brogoz Mazadou, mais c'est pas comme ça exactement qu'il l'a prononcé, c'était Alan Stivell. Allez, on continue de parcourir cette carrière fantastique déjà de la jeune Nolwenn Leroy, notamment un nouvel album de chansons originales, Aux filles de l'eau, qui sort en 2012 et qui aborde le thème de la mer et des femmes sur une couleur pop-folk celtisante, on peut dire. Et il s'inspire notamment de la littérature et des légendes celtiques. Il est porté par le single Juste pour me souvenir, qu'on va écouter juste après. Il est à nouveau produit par John Kelly, mais cette fois-ci, Nolwenn participe à la conception de 9 chansons. En mai 2013, elle entame Autour de l'eau. C'est toujours le nom de l'album précédent qui est mêlé avec le mot tour. C'est une tournée d'un an, 70 dates en France, en Suisse et en Belgique. En 2015, Nolwenn entame une tournée acoustique cette fois-ci, toujours France, Belgique, Suisse, Allemagne, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Elle se produit notamment au Casino de Paris et au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Et en 2015, sachez qu'elle a été l'invitée de l'Université d'Oxford pour parler de sa carrière et qu'elle a donné un concert à Glasgow en 2016 dans le cadre du festival Celtic Connections. On va écouter, comme je vous l'ai annoncé, Juste pour me souvenir. Et puis on parlera de sa carrière à partir de 2017, juste après. Voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Mmh. sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. En mai 2017 sort le single J'aime, G-E-2-M-E, premier extrait de son sixième album studio qui porte le même nom. Et sachez que Nolwenn a écrit et co-composé la plupart des chansons de cet album pop, mêlant titres en français et en anglais. Il est d'ailleurs salué par la critique et certifié disque d'or. Une nouvelle tournée de 55 dates, le J'aime Tour, débute le 21 mars 2018 à Saint-Brieuc, passant notamment par le Grand Rex à Paris. Elle se poursuit jusqu'en novembre en France, Belgique et Suisse. Et en novembre 2018, sort un album de reprise intitulé Folk, porté par le single So Far Away From LA. Il est composé de chansons francophones, principalement des années 70. En 2019, le groupe américain Pink Martini invite Nolwenn à chanter sur la scène du festival jazz à Juan-les-Pins. Alors J'aime, G-E-2-M-E, si vous regardez dans le dictionnaire, il s'agit d'une pierre qui est très colorée et qui est pierre précieuse, ornementale notamment. Hein. Voilà la définition exacte. On va écouter cette chanson et puis l'occasion de retrouver Pink Martini. Je ne veux pas travailler, rappelez-vous de bons souvenirs. Après, ce sera déjà la dernière partie de notre coup de cœur. On rêvait d'irréel, de joyaux. Sous nos peaux déritrées, dans un cage zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Le chasseur à ma porte comme le petit soldat qui veut me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu les parfums de l'amour. Un million de roses n'est pas près, pas autant. Maintenant, seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut m'a tuer. C'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, non, non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. C'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, non, non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement et puis je fume. Allez, la dernière partie de ce coup de cœur à Nolwenn Wayne pour vous signaler qu'en juillet 2021, Nolwenn Wayne dévoilait le single Brésil Finistère qu'on a écouté il y a deux semaines, annonçant son huitième album La Cavale, qui était réalisé par Benjamin Biolay et Adélaïde Chaban du groupe Thérapie Taxi. Cette année, elle a participé à la 11e saison de The Voice et son rôle consistait à récupérer des talents qui n'ont fait retourner aucun coach en fait, ainsi que ceux qui ont été exclus de la finale. Alors quelques mots sur sa vie privée. Elle est en couple avec Arnaud Clément, joueur de tennis, depuis janvier 2008 et le 12 juillet 2017 est né leur fils prénommé Marin. Ça ne s'invente pas. Depuis mars 2006, elle est la marraine de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. Et en Bretagne, elle est également marraine de l'Association de sauvegarde du patrimoine des phares et balises, il faut le savoir. Elle fait partie d'un tas de projets caritatifs, mais je ne peux pas tous vous les énumérer, bien sûr. Bon, tout laisse présager, si on se réfère à la logique précédente, que l'album La Cavale va donner lieu à une tournée La Cavale Tour ou quelque chose comme ça. On va se quitter avec Benjamin Biolay qui est intervenu dans son dernier album. Lui, c'est une nouveauté. Rend l'amour, c'est le titre. Un petit peu osé, vous allez vous en apercevoir. Et on se quittera en live avec Noël Wayne juste après. Sous deux côtés qui demandent un temps d'effort. Et n'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort. Ne laisse rien. Le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débarras. Mais rends l'amour que je t'avais. Prendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises. Si tu veux m'aimes, je te baise. Sûr que tu n'oublieras rien. Déleste-moi, n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler le cours de terre battue de feu nos échanges. Taguer, taguer le coin de rue où est passé l'ange. Mais rends l'amour que je t'avais. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade par ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. C'est bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes. Même au milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre. Donner, donner, donner, donner. Un petit panorama qui n'a pas été exhaustif, bien sûr, parce qu'on ne peut pas en une heure tout décrire d'une carrière aussi importante maintenant que celle de Nolwenn Leroy, mais ça nous a donné un petit rappel bien sympathique de sa carrière, de son environnement, de son ambiance bretonne. Et puis je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne vous dévoile pas de qui il s'agira, mais ce sera un très très beau coup de cœur également. Passez de très bons moments d'ici là et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le site www.fadjet.net. Allez, bye bye et à très bientôt.